Thank you. Thank you. What? you keep it rolling? Mistrust and stressed. I need my leash, I need a rest. Thank you. He went away. I was singing it with much love, for real. I didn't mean it. It was the one giving ideas. I really loved Pavel. Pavel, please come back. Marcello, si, no te vas. C'est bien ce que t'envoies, continue. Joana. É você, é o você, é o você, Samar. Berimbau es una de la Berimbau. Je sais pas si tu connais Claude Nougaro, mais il a chanté Berimbau. Claude Nougaro, il l'appelait Bilou, Bilou, Bilou, Bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton Bilou, Bilou, Bidon. Bidon, bidon, bidon, bidon. Vivre là-dedans, c'est coton. Bidon. Qui ont la peau douce lavant de pouvoir manger. Dans les chambres, l'herbe pousse pour y dormir. Faut s'y pousser au bidon, bidon, bidon, ville, au bidon. Vivre là-dedans, c'est coton. Oui, bien sûr, les enfants jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines. Par la main, camarade. J'ai 5 doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Bientôt, on se serra la main, camarade. Bientôt, bientôt, les soleils, les rayons, les cascades. Bientôt, bientôt, on se serra la main, camarade. Bientôt, j'ai 5 doigts moi aussi. Vas-y, Bailos, ça déboîte là. Thank you. Don't you crash system. Je deviens sourd. Quand je deviens sourd. Mais Bilos, mon copain de chat, pour une fois que t'as pas mis une playback de Hey Joe, je suis content. On joue ensemble, on s'écoute. J'aime quand tu. Mais il faut que tu joues. Je n'ai pas pris assez. Je suis bloqué sur le chemin. Le mec qui m'a mis la banane. Alors qu'il vient de Schnorr, le mec qui m'a mis la banane. Les exotiques et tu sors. Allez, le mec qui m'a mis. Il m'a mis de quoi sourire. Il m'a mis le soleil, putain, con. Il m'a mis la joie, c'est tout ça. Allez, hey Joe. Et j'ai sorti la chemise. Thank you. fein, da da da da da dim up dum dum da da da all the get on count on what is it that the guitar da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da I'm listening, what did you do? But I gotta go outside to smoke a bit of spliff. I'll be around a damn center, but I couldn't reach the mic. Oh, I could, but the neighbor would really, really think I'm right. I am right. I love the jam all the night. I'm gonna smoke my spliff. I'll be silent for a beef, yo. Give up. Please, I wanna keep dancing, dancing. Thank you. Thank you.